Scène 11. Pacarel, Marthe, puis Tiburce, puis Lannoy avec un bouquet. Pacarel s'assied sur le canapé. Vous êtes bonne, vous, de le plaindre. Je trouve que c'est moi qui suis à plaindre. Je vous demande un peu ce que je vais en faire. Aucun théâtre n'en voudra. Marthe, s'asseyant à gauche. Qui sait, en cherchant ? Tiburce entre à ce moment et attend en voyant ses maîtres causer. Comment veux-tu qu'on prenne un ténor qui n'a pas de voix ? Je demande pardon à monsieur, mais dans tous les commerces, il y a toujours un moyen de requinquer les rossignols. Ainsi, mon père, qui était maquignon, quand il avait une rosse à vendre, il lui mettait un grain de gingembre sous la queue, et ça faisait l'affaire. J'indique ce remède à monsieur. Je vous remercie. Si vous n'avez que cela à me proposer. Dame, pour le moment, mais je venais dire à monsieur que monsieur Lannoy était là. Faites entrer. Bien, monsieur. Après avoir introduit Lannoy, Tiburce se retire. Futur beau-père, future belle-mère. Future belle-mère. Vous venez pour votre fiancée. Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'ai attendue au grenier, elle n'y était pas. Elle est au jardin. Attention à ne pas dire de bêtises. Le remède à maman. Il tourne sa langue cette fois. Je lui apporte ce bouquet. À ma fiancée. Je serai si heureux de la voir. Qu'est-ce qu'il a ? Tiens, ça vous arrive souvent ? Julie me l'avait bien dit. Je m'en étais pas aperçu. Si vous voulez voir Julie, elle est au fond du jardin. Elle regarde tuer les hannetons. Vous en avez beaucoup de hannetons ? Ah, mais il est crispant avec son tic. Et il n'y a pas de remède à ça ? Si. On prend de l'eau bouillante et on est chaude. Ça tue radicalement. Hein ? En voilà un traitement. Non, moi je connais un autre moyen. J'ai entendu parler d'une spécialité, d'un nommé Démosthène, qui mettait des petits cailloux. Vous pourriez essayer. Pour les hannetons ? Mais non ! Pour votre machin, là ! Oh, pour mon... Oh, ça n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Allons, je vais retrouver Mademoiselle Julie. C'est cela. Ah, dites donc, pendant que j'y pense, vous n'auriez pas besoin d'un ténor ? Non, ma mère cherche un cuisinier. Eh bien, voilà, je lui céderai mon ténor. Il est très solide, c'est un gaillard, il fait les courses. Mais un ténor ? Oh, il chante si peu. Qu'est-ce qu'il demande ? 3500 francs par mois, c'est pour rien. Hein ? Pour un cuisinier ? Mais il est fou. Sans le vin, ni le blanchissage. À ce prix-là, sous aucun prétexte. Je te dis, personne, personne n'en voudra. Je me sauve. Enfin, si vous entendez parler, n'est-ce pas ?